Real Madrid bitch, je suis le jeune homme, t'es comme la grippe bitch, je suis le cancer, t'es comme la grippe bitch. Équipe LD au Bayern Munich bitch, j'écris mes textes en runique bitch, comme au kaki sur les tuniques bitch. Devant la cage, lac pas comme Robert, j'veux le pouvoir comme Robert, emballe tes salades, j'te crois pas comme Robert. Équipe, j'suis l'ouragan, t'es la brise négro, FLR, j'ai trop la crise négro, j'suis dans la pharma, SO la prise négro. Pétasse, tous les jours j'suis dans la médication. Elle vient me voir quand elle veut faire de l'équitation. Équipe, je suis équipe affrontée dans l'équipation. Si tu fais le grossiste, on t'apprend la lévitation. Poussine négro, ton feu vaut comme 500. Shenzhen dans la défense, posté comme Vincent. Pour changer le match, il me faut comme un centre. Je regarde ces négros, ils sont extra faibles comme un centre. T'allumes avec nous, tu rentres chez toi sans la raison. Shenzhen, j'ai la dalle, pétasse. Je fais gratter comme si j'ai la gale, pétasse. Analyse la meilleure solution quand j'ai la balle, pétasse. SO les lions, SO l'équipe bleue. On les frotte avec l'équipe 2. En gros, depuis que je m'allume, j'ai conf des litrons de caca et d'équipe 2. Tu pues la merde, tu sens le caca. Négro, je m'allume, tu sens le caca. Trop d'avance dans le cycle. J'écris mes textes dans le 6. Trop de midi, glorien dans le site. Négro avec le fer, fonce car dans le site. Shenzhen, j'avance dans le zan. On montre à drogue dans le sang. En défense, au calme dans le centre. Démarqué, reprise direct dans le centre. Négro, j'écris comme en 2021. On arrive sauvage comme 2021. Fuck la police, agro, SO cap, G. La 6 sec bientôt partout, SO 4, G. Équipe. Équipe. Thank you.